Fait divers, annonce un disparu sous une page froissée d'un vieux papier journal. Un jeune homme ordinaire à la frime incongrue que j'avais repéré sonnant dans un local un beau soir sans lumière et sans me voir venir. Sans un bruit, sans un cri, je lui coupais la gorge. Il commençait sa nuit pour aller la finir dessous les chrysanthèmes de Madame Laforge. Armé de chapeau sombre, paré de ma besace, je guette ma proie à l'ombre de tous les gardes-chasse. Tout compte fait, ma passion régule la densité de la population vivant dans ma cité. Les volets, les hommes de la battue recherchent Marie Chantal, une jeune femme ordinaire, portant un corselet dont la frime est de mode, le luxe ornemental. J'étais dans son parking, caché dans le plénum, et de moi, elle ne vit qu'une lame succincte. Le corps de ma victime gardait tout son feu comme la chaleur du moteur de ma voiture éteinte. Dans la rue, les façades n'ont plus leur goutte roux. C'est pourquoi les troquets recherchent leur pilier. Un vieil homme ordinaire en frime pour les bistrots, libéré d'allégeance à sa femme décédée, la tête remplie d'alcool, le cœur vidé d'espoir. Le long d'une ruelle, il ondulait à peine lorsque je mis sa fille sur le fil du rasoir. J'exécutais le geste, sans amour et sans haine. Chapeau sombre, paré de ma besace, je guette ma proie à l'ombre de tous les gardes-chasse. Tout compte fait, ma passion régule la densité de la population vivant dans ma cité. Ce cher monsieur le maire aujourd'hui est parti fumer dans un meeting d'un altermondialiste. Cher monsieur, hélas, n'est plus de la partie pour récolter des voix ou pour gonfler sa liste. J'attendais patiemment dans une tenue civile. Il surgit devant moi en me disant ces mots: je ne reverrai plus mon bel hôtel de ville. Puis ils me distribuent quelques coups de couteau. Armé de chapeau sombre, paré de ma besace, je guette ma proie à l'ombre de tous les gardes-chasse. Tout compte fait, ma passion règle la densité de la population vivant dans ma cité.